Mais voici Seigneur, comme un sacrifice vivant et agréable pour toi. Ma vie est une offrande, Seigneur, accepte-la, car j'ai choisi de t'adorer. Ce n'est te faire plaisir, j'ai choisi de t'adorer, de chanter en ton honneur. C'est pourquoi, ô Dieu d'amour, reçois de cieux toute ma louange. Je ne vis pour t'adorer, ô toi mon souverain Seigneur. Don't know.